prendre se dit tomar. Alors, comment direz-vous « Pourquoi ne le prenez-vous pas ?» Vous vous adressez à usted. Porque no, no lo toma. Porque no lo toma. Et ne le prenez pas, vous parlez là encore à usted. No lo tome. D'accord, hein? No lo tome. Ne le prenez pas. Mais, alors, si vous voulez dire prenez-le, ça sera lo tome. Pour un ordre affirmatif, on accole le « le » à la fin du verbe, comme en français. Tomelo. Tomelo. Hein? Tomelo. Et comment direz-vous « mangez-le » C'est très bon. Mangez-le. Comalo. D'accord. Comalo. Hein? Comalo. Es muy bueno. Comalo. Vous voyez l'importance de prononcer clairement le A ou le E, même non accentué.